بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. يا أخي هذه دعوة، هذه دعوة، افهم أنت أو غيرك، هذه دعوة أرواحنا ودماؤنا فداها. والله لمن مسها بسوء أنني لأبذل كل وسعي في بيان باطله وفي بيان سوءه، ولينتقم من الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله غيور على أهل الحق والسنة. الشيخ عبيد هداه الله إلى رنتر في الفتنة، لها في جمال جدا، ما يسيب خيئة يكون للنبو الشيخ يحيى. إلى لو لردود إلى ريبوندو مسألة الجامعة ونا فيه كستيل فوندي سوغ الرفق وعلم، لكن نسأل الله العافية. نحن قلنا لكم كلامه صفر على الشمال، كلام عبيد في دار الحديث بدماج، والله والله يا شيخ عبيد، واسمع مني كلام ثقة إن شاء الله، أن كلامك في دار الحديث بدماج وفيما قلته في مثل هذا أنه تاريخ أسود في جبينك، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 5. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتهينا ولله الحمد من المسألة الأولى، أي من التناقضات في هذه الفتنة، وهي مسألة الجامعة الإسلامية. ولله الحمد استفدنا ينصب هذا ولله الحمد قبل أن الجامعة الإسلامية على كوني دو مراحل، deux étapes. La première, أسست على المنهج السلفي الصافي النقي. Et les fondateurs, ils sont connus عند أهل السنة. بل سرؤوس أهل السنة. شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. Et son شيخ الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. Tout ça avec l'appui de الحكومة السعودية. وفقه الله لكل خير. مرحلة طيبة. Des années. ثم تعلمون أن أهل الشر يسافر حقيقة سينتز فيها بغ الجامعة لو كانوا يعقلون أن un endroit s'il est combattu par le kuffar, par أهل البدع, c'est que cet endroit il a du خير. Vous avez remarqué أن أهل البدع والكفار ils combattent pas le شر que dans les pays musulmans, les boîtes de nuit, les endroits où il y a du shirk. بل ils appuient هم هذا. Je prends l'exemple de cette jama'a, elle a été combattue جدا إلى الآن comme il a démontré Cheikh Al-Abbas حفظه الله تعالى, لأن c'est une jama'a qui a été fondée sur le haq. Le fait qu'on dise أن الجامعه elle est attaquée par أعداء الله et des حزبي s'infiltrent pour شوش على الطلاب, حقنا سنتسكية pour الجامعه. كذلك دار الحديد بدماج نفس الشيء, أسست على التقوى من أول يوم. Le fondateur كذلك c'est un مجدد, شيخ الإسلام مقبل بن هادي رحمة الله عليه. Et ils l'ont combattu le kuffar. Et Dammaj كذلك. Il y a des gens, ils venaient, ils avaient un but. Ils étaient envoyés par Fulan, par. Lakin, à l'époque de Cheikh Mokbil, ça a commencé. Il les repoussait. كذلك à l'époque de Cheikh, il les repoussait. هذا. فالأمر يحتاج إلى تعاون. Et في الحقيقة, دار الحديث بدماج والجامعة الإسلامية, les طلاب qui sont في دار الحديث et les طلاب qui sont في الجامعة, c'est des frères, أهل السنة. On parle ceux qui sont à la sunna. Amma al-hizbi, c'est un hizbi. Il soit à Dammaj, il soit à Al-Jami'a, il soit où il veut. Un munharif, c'est un munharif. L'endroit où il y a du khayr, il est combattu. Hada ma'aruf. Thumma, alhamdulillah, al-rudud ala Cheikh Ubaid, on les a lus. Et al-tanaqud, et c'est ça qui nous intéresse, on a akthar. La contradiction, anna Cheikh Yahya, il a dit un kalam, on l'a lu. D'autres, ils ont dit un kalam pareil au Ashad. Et ma, Cheikh Ubaid, ma, man taqad alayhi. Il n'aura pas imposé les trois points. فهذا تزوج التناقض. Et comme on a dit, vous avez remarqué que cette masala khalas tarakouha, لأنهم ما عندهم شيء. ما عندهم شيء. فلهذا انتقلوا إلى أمور أخرى qu'on va citer. لكن normalement, ce point, Cheikh Ubayd, il a attaqué Cheikh Ihab غير حق. وطعن فيه. Normalement, لا بد توبة. T'as pas le droit de parler sur un frère musulman. Ma balouk, une personne, elle a une da'wa, elle a un markez. Al-a'da min kulli jiha, rawafid et autres. Lakin, عند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم. هذا ما يتعلق بالجامعة انتهينا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجامعة من كيد الكائدين ومكر الماكرين. أما اليوم ندخل في مسألة جديدة حقيقة ستشوي ما تقدم لكن on a fini avec le jami'a. الآن تناقضات deuxième point, deuxième باب تناقضات في طعنات شيخ عبيد. تعلمون أن après cette مرحلة الجامعة الشيخ عبيد طعن في شيخ يحيى. On a vu نحن par rapport à la jami'a. والآن ça va continuer المرحلة في الطعن الشيخ يحيى وفقه الله يرد. ومن كلامه أصلحه الله أن نشأة الشيخ يحيى ليست علمية تقدم لكن الآن نحن بسيدي لطعونات ومونتخ لا contradiction. On répète c'est le but de cette رسالة c'est le but de ces دروس مونتخ تناقض القوم تناقضات القوم. أما لمسائل والله الحمد on les a déjà détaillés et لا بس على الطريق on détaille des choses لا بس. فقول شيخ عبيد أن نشأة والنشأة معروفة l'éducation أو la personne, l'environnement dans lequel elle a grandi هذا c'est ça النشأة ليست علمية هكذا قال تناقض حيث قال كما تقدم وإذ كان عنده علم تذكرون تناقض إلى أدمي أن شيخ يحيى عنده علم السيلة علم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود نسيت اسك الحديث اللي مرفوع أو موقوف إنما العلم بالتعلم ستة أدمي أن شيخها عنده علم سأبجيخ كلا ينشأ علمية وإلا قولك أن عنده علم سأمبلك تعلم لأن العلم اللي بندو كما قال عز وجل هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Si tu as admis que Cheikh Ali a du ilm, c'est qu'il y a eu des efforts dans l'ilm. Il le sait, il l'a dit. Wa id kana indahu ilm. Fa limadha après. Al-ajib, c'est que le kalam, il l'a dit après. Inna nash'atahu laysat ilmiya. Il vient d'où ce ilm? Al-ilm, ça ne s'achète pas. Abadan. Chez qui a du ilm, c'est qu'il a appris. Amma est-ce que ce ilm, il est utile à Mna? C'est autre chose. Ça c'est واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك وعليك. أما الآن المسألة اللي باش كل علم اللي يتيجي أم لا يتناقض يدي شيخ يحيى علم ثم يدي شيخ يحيى il a pas une éducation de علم فدو يبين سو علم كتا accepté أنت. نعم هذا تناقض. بل on va lire un كلام pour appuyer أن ce كلام اللي باطل أن نشأة شيخ يحيى elle est pas علمية. Il n'a pas trouvé l'ilm. C'est ça son kalam. Il n'a pas été dans l'éducation de l'ilm. Il n'a pas connu l'ilm. Après, on va lire, il va dire que c'est un souqi, ahmaq, tout ça. Ça, c'est sifat, ceux qui n'ont pas connu l'ilm. Alors, on va lire kalam qadim, un kalam ancien, les Abdurrahman al-Adani. Il y en a chez Ubayd. Tout ce kalam-là, c'est différent d'un Abdurrahman al-Adani. Mais beaucoup de choses qui reprochent à Cheikh Ihab, c'est des choses anciennes. فلماذا il les cite الآن quand on dit الآن c'est nous on fait étape par étape dans cette fitna. On est en 1430 الآن لماذا il les cite alors qu'il y a des choses c'est ancien. Prends l'exemple de Jami'a l'Islamiyya, la parole de Cheikh avant que Cheikh Ubaydi parle et il y a elle datait de 2, 3 ou 4 ans. لماذا cette attente تعرفون لماذا لأن la fitna avec عبد الرحمن العدني elle est apparue et هو il veut absolument que Abd al-Rahman al-Adani il a le dessus et que Cheikh Yahya tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abd al-Rahman al-Adani. Ils lui ont posé la question. On va lire ce kalam pour montrer anna eux-mêmes, Ra'sul Fitna, Abdurrahman Adani lui-même, il reconnaît anna Sheikh Hihel du ilm. Pour démontrer anna kalam Ubayd Jabri, il est batil, anna nash'atahu laysat ilmiya. Lui-même, il s'est contredit quand il a dit wa in kana 'indahu 'ilm. Hada al-haqiqa yakfi, pour montrer que son kalam il n'est pas sahih. Laquelle on va appuyer pour montrer anna Sheikh Hihel a une manzila. عندهم ولله الحمد لله المنزلة عندنا إلى الآن لكن من eux ils reconnaissaient هذا donc ils sont obligés d'emmener des adillah pour démontrer أن الشيخ يحيى لا plus قال أو ils ont posé la question بعض الشباب cette question elle a été posée عبد الرحمن عدني نعم بعض الشباب لا يعرفون المشايخ للمشايخ قدرهم فينتقصون من أقدارهم وعلمهم فماذا تعرفون عن الشيخ يحيى ابن علي الحجوري؟ ça montre que بعض الناس il y a longtemps ils essayent de faire tomber Cheikh Yahya. Ils ont posé la question à Abd al-Rahman après la fitna de ou pendant ou après la fitna d'Abu al-Hassan al-Munharif al-Dha. بعض الشباب ils donnent pas d'importance aux mashayikh. Ça c'est un khata kabir. الشيخ bien sûr on est في مشايخ اهل السنة. أولاً il a un haq, il est plus vieux que toi. Tu lui dois du respect. Ou alors c'est pas un alim. Si une personne qui est plus vieille que toi, un musulman, un sunni, tu lui dois du respect. Ma balou qu'il a du ilm. Ba'd al-shabab, il donne pas d'importance à ça. Thomas, ils ont cité l'exemple de Cheikh Yahya. Cheikh Yahya, il fait partie de ces mashayikh que Ba'd al-shabab, il n'a pas d'importance. Yantaqidounahum, yant'anoun fihim, bighayri haq. Comme Cheikh Ubaydi fait l'an. Isma' al-jawab. Qala, hadha su'alun hasan. Hey, c'est un sual taïm. Souvent, éduquer les générations à respecter le mashayikh, à respecter le ulama. Ça ne veut pas dire le taqlid. Ils ont une maladie. Si tu n'es pas d'accord avec un shir, ou tu démontres son qawl, tu prends un autre qawl, le dalil est plus fort. Avec l'autre shir, ils pensent que tu ne donnes pas de respect. Là, là. Tu aurais tlab l'ilm inda l'ulama. L'ulama, ils éduquent leur tlab à ça. De ne pas faire de taqlid. Lakin, si tu prends pas son qawl, ça implique pas de tata'an fi, abadan. Tu le respectes. Maintenant, comme min kalam Cheikh Al-Albani, maintenant, dans des masailles, on ne prend pas. On dit là, Cheikh Al-Albani, via des masailles, maintenant, nous on prend un autre qawl. Et on aime Cheikh Al-Albani et on le respecte. Des autres masailles, tu ne prends pas kalam Cheikh Al-Bad. Tu ne prends pas kalam Cheikh Al-Islam. Tu ne prends pas kalam l'imam Ahmed. Lakin, tu respectes. Amma taqlid, là, la yadouf. Al-Ittiba', c'est le Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Qala hada su'anun hasan akhuna. الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى من علماء أهل السنة إلى دي من علماء الآن عبد الرحمن عدني لماذا إلى بقى غبخش يا شيخ عبيد هذا إلى دي لا العلم إلى دي علم لكن نو غبخش تل شوز تل شوز إذا كريم عن رد علمي أما الآن إن شوز كو فو غوكونيسي على الوقت الآن فو ديت إلى بلو قد يقول قائل من عبد الرحمن عدني لا بدي الشيخ يحيى لا بدي علم لماذا يرد على كلام شيخ عبيد Il dit là, il y a Cheikh, nous on reproche des choses à l'Hajouri, mais tu dis qu'il n'a pas d'ilm et il a eu, comme il a dit, inna nash'atahu souqiyya ou laysat ilmiya, ça c'est ba'id. Et c'est ça qui leur a fait du mal. Léana l'an, Cheikh Yahya Hamidallah Ta'ala, il a eu le dessus très vite. Léana l'homme yatana qadoul, et ils ont eu des hujjah de hazila, il est venu avec du ilm, il a eu le dessus très vite. Qala, Cheikh Yahya. حفظه الله تعالى من علماء أهل السنة في اليمن ومن المشايخ المبرزين في هذه البلاد المباركة المبرز il est fort il a atteint haut niveau هذا on dit maintenant ce talib من المبرزين il a atteint haut niveau par rapport aux autres فالآن من المشايخ c'est pas que من المشايخ المبرزين et il a qualifié كذلك de عالم ça c'est pour ceux qui disent pourquoi vous dites que Cheikh Yahya c'est un عالم تعلمون أن بعض الناس Quand tu leur expliques la fitna, tu arrives à un point essentiel de la fitna, tu dis il y a un savant qui a critiqué Abdurrahman al-Adani et d'autres qui ne l'ont pas critiqué. Et tu lui expliques la règle. Si un savant il a critiqué Bi'in, tu es obligé de prendre son qawl. Ils disent mais qui c'est qui t'a dit que Cheikh Yahya c'est un savant? Hatta quoi? Il fait tomber qawl Cheikh Yahya et il dit c'est bon, il y a ijma'. Lakin, celui qui s'est fait rendre Hizbi lui-même, il a accepté un Cheikh Yahya c'est un alim. Ça fait 10 ans. Ma balouk l'an. En disant qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a stafet. Hada, alhamdulillah aussi, qu'on peut citer de Tanakhoudat, ceux qui disent c'est pas un alim. Ben Abdurrahman Adani lui-même, il a dit c'est un alim. À moins que vous prouviez qu'il a plus d'ilm, maintenant il a perdu la raison, il a oublié, khtalat, vous nous prouvez ça bi'ilm, tfaddal. Ah, mais si vous ne prouvez pas, c'est un alim. Vous-même, vous l'avez accepté. Ça ne veut pas dire que l'alim, il ne s'égare pas. Là. Nous, on n'emploie pas ça pour dire que Cheikh Hale a la haq. Là, on a des autres adillah à la hada, wallah, ilham. Lakin, un, la mas'ala, le précise, un nahu, il a du ilm. Lakin, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont du ilm, ils sont à la haq. Ça, il faut bien comprendre. Eux, ils peuvent dire, un, na'am, c'est un savant, lakin, il s'est égaré. Tfat, dans le montre. Il est là le point, nahnou, qu'on veut. Montre, il est où l'égarement. قال من علماء أهل السنة في اليمن ومن المشايخ المبرزين في هذه البلاد المباركة وممن وفقه الله تعالى للدراسة عند شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة قال ووفقه إلى بي En tout ça, nous on vous le lit l'un et on s'appuiera dans les prochains redoubles. On s'appuiera beaucoup sur ce canal. قال وفقه سبحانه وتعالى للتتلمد على يديه أي الشيخ مقبل رحمة الله عليه الله إلا وفق سيدمني عن سيكون زلاب قال فترة طويلة قرابة 12 سنة الحقيقة أكثر أكثر الشيخ يحيى إلي فيني عدم ماد عن 1405 الشيخ مقبل إلي مور عن 1422 عفي كمية 17 قد يقول قائل لدغنية زاني الشيخ مقبل إلي تمالات نعم 15-17 حتى الشيخ مقبل إلي مور بل على فا الشيخ يحيى يدوني دي دروس الشيخ مقبل يدوني دي دروس ils alternaient et à la fin الشيخ مقبل il pouvait plus الشيخ يحيى c'est lui qui a pris la responsabilité du marquez et c'est lui qui donnait des cours à la place de الشيخ مقبل donc plus de 15 ans قال أو أكثر نعم إلا سنيالي 12 ans أو أكثر الصواب c'est plus de 15 ans قال وكان ملازما للدماج لا يخرج إلا لحاجة On va se servir de cette parole. Cheikh Ubaid قال أنه il est parti travailler, il s'est fait renvoyer de dommage, il n'était pas de dommage من هذا الكلام. Abdurrahman Adani lui-même, il témoigne أن لا يخرج, il ne sortait pas إلا لحاجة. Cheikh Ubaid, on va voir أنه il travaillait, il s'est fait renvoyer. قال أو ضرورة منكبا على العلم صباحا مساء. Abdurrahman Adani témoigne Cheikh Yahya منكبا على العلم, il faisait des efforts dans العلم صباح مساء. Tu demandes aux anciens tollab de dommage, ils reconnaissent ça. Allah, même les meftouns, ils reconnaissent. Il est mouchtahid fil ilm. Il ne sort pas, il ne se mélange pas. Pourquoi Cheikh Mokbel l'a mis après lui? À ton avis, il va mettre un la'ab. Il va mettre une personne qui n'a pas d'ilm. Il va mettre une personne qui s'est fait renvoyer. Qala Mon kibban ala l'ilm sabah masa wa li dhalik waffaqahu Allah ta'ala li hadha l'ilm alladhi narah. Naam. قال وهكذا وفقه الله تعالى للحرص إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في مسائل الفقه والعقيدة وفي المحاضرات وفي الكلمات والنصائح Est-ce que ce كلام الآن qui c'est qui va croire الآن شيخ عبيد أنه يدي أن الشيخ يحيى إلى بين النشأة علمية عبد الرحمن عدني تيمون أنه إلى على علم ses livres les مسائل qu'il a traité que ce soit فقه عقيدة ses محاضرات c'est appuyé sur le kitab والسنة وهذا لا ينكره أظن واحد كيكون الشيخ يحيى مام أبو الحسن مرة إلا دي لا فتنة إلا دي صحيح أن الشيخ يحيى quand il parle بالكتاب والسنة إلا أدمي معروف سي محاضرات حفظه الله تعالى يسرد أحيانا دي آيات ربما دي ديزن ربما تغيب على plus de 50 ربما تبخش على centaine de أحاديث أو de versets du Coran الكريم comment tu prétends أنه il n'a pas une نشأة علمية Est-ce que celui qui est, comme il l'a qualifié, souqi ou ahmaq, il est capable de faire hada? Abadan. Qala, wa hakada karahatuhu littaqlid wa karahatuhu lilhizbiyya wal bid'ah. Rahman Adani lui-même. Il sait que Cheikh Yahya, il déteste le taqlid et il déteste le hizbiyya. Naam, li hada arad alayk. C'est pour ça qu'il a arad alayk, li annahu il déteste le hizbiyya. Wa anta waqa'ta fil hizbiyya. Rien d'autre. Qala, fa nafa Allahu azza wa jal bi ilmih wa bi juhudih. بعلمه هذا يدي إلى بعض علم أو نعم نشأته هو لبعض علمية فالله علمي vient d'où ce علم عبد الرحمن lui-même il a reconnu أن شيخ حلد علم قال فأقبل طلاب العلم بعد وفاة شيخنا رحمة الله عليه على هذا المركز المبارك ينهلون من دروس الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى après la mort شيخ مقبل beaucoup de personnes ils sont venus à Dammaj Léana al-Markez, il s'est fait connaître encore plus avec la mort de Cheikh Mokbel. Quand ils sont venus, c'était Cheikh Yahya. Et tous ceux qui sont venus, c'est des élèves de Cheikh Yahya. Qala fa Cheikh Yahya, kama sami'tum min kibari ahli sunna fil Yemen. Hada yidi nash'atuhu laysat ilmiya. Abdurrahman Adani yidi min kibari ahli sunna. Comment on fait l'an? Qala قال وممن ظهر خيرهم عند القاسي والداني. نعم son خير il a paru القاسي والداني. قاسي والداني أي شيء الموت. حتى شيخ عبيد قال عنده علم لكن تناقض الهوى. سأسأل الفتن. فتن une personne elle dit une chose tout le monde se contredit إلا الفتن. لأن الشيخ عبيد هداه الله il est rentré dans cette fitna lui a fait du mal جدا. Mais il sait très bien, il connaît le niveau de Cheikh Yahya. Il a lu les redoutes, il a répondu. Mais c'est la Jami'a, on a vu que c'était fondé sur le rifq wa ilm. Mais, à la fin, cette méthode, Rubama Cheikh Yahya, il tombe. Il n'a pas de ilm, c'est un souqi, il s'est fait renvoyer, c'est un fou. Rubama, les gens vont le délaisser. Qala فالشيخ يحيى كما سمعت من كبار أهل السنة باليمن ومن ظهر خيرهم عند القاسي والداني وما يشهد الخير الذي عند الشيخ يحيى إلا رجل إما حاسد أو حاقد. Personne ni le خير que la شيخ يحيى إلا deux genres de personnes. إما حاقد أو حاسد. Un jaloux. حاقد. قال وعلى هذه الدعوة المباركة. قال ثم ارجعوا إلى كتبه وإلى أشرطته ما تجدون إلا آية قرآنية وحديث نبوي. Abdurrahman Adani dit revenez au cassette au livre de Cheikh Yahya, vous trouverez illa des ahadith ou des ayats. Avec la compréhension des salafs, on rajoute nahnou. Qadiqoulon l'an, il a changé. Démontrez. Nahnou l'an, on a une tariqa, faut bien comprendre. Il y en a ba'd al-nas, ils vont écouter Mizal al-Kalam, ils vont dire non, mais ça c'est ma'rouf. Même les gens, ils parlaient bien de Abu al-Hassan, les gens, ils parlaient bien de Ali Hassan al-Halabi, ils parlaient bien de Falih. Nahnou l'an, on connaît hada. Lakin nous, on est en train de te montrer l'an, c'est quoi la base. Khalas, on est tous d'accord, anahou il a du ilm. Même on a cité Kalam Abdurrahman Adani, on a cité le Kalam de la source dans la fitna avec Cheikh Yahya, non, il est d'accord, on est tous d'accord, non, il a du ilm. Avant, Al-An, aujourd'hui, celui qui dit il a changé, il montre les Adillah. Maintenant, on reste sur l'As, démontrez-nous. Demain, Inch'Allah, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, démontrez-nous, demain, on quitte. On vous disait avant, on quitte Dammaj, Al-An, on vous dit, à Sana'a, on va plus chez Cheikh Yahya. Montrez. L'As, Al-An, c'est hada. Al-An, Cheikh Ubaid, même ce As, que tout le monde est d'accord. Abdurrahman Adani il a dit Qasi wa Dani. On aurait pu lire les tazkiyas des mashayikh, on l'a déjà fait. Cheikh Bura'i il a dit Cheikh Yahya c'est le courant d'Ahl Sunna. Cheikh l'imam il a dit même si Cheikh Maqbil il aurait pas choisi Cheikh Yahya, nous on l'aurait choisi. Ça montre qu'il a du ilm. Cheikh l'imam il a dit c'est un alim, on parle de Cheikh Yahya. Cheikh Rabi il a dit c'est un alim, on aurait pu citer tout ça, lakin kafa. Al-an limadha Cheikh Ubayd dit nash'atuhu laysat ilmiya, limadha il contredit tout le monde mais personne lui dit rien. Personne lui dit ya Cheikh la la. La la, rajul il a grandi à Damaj. Il a étudié, walillahi alhamd, lakin s'il a des égarements, montre. Nous, maintenant, on n'a pas le droit de dire Cheikh Ubaid, il n'a jamais tlob l'ilm. Abadan. Abadan. Il a tlob l'ilm, on ne va pas nier une chose qu'il a faite. Abadan. Lakin, on nie les erreurs. On nie les erreurs qu'il a. Comme, alhamdulillah, on en cite une après. Amma se contredire, la yedjouz. Al-Kalam, nous sera fi al-Shabaka, bisauté. Ce Kalam, il est propagé avec son. C'est un audio. Celui qui veut l'écouter, il le trouve il shabaka. Thumma qala Cheikh Ubayd, après avoir dit que Cheikh Yahya n'a pas d'ilm, ou il n'a pas une éducation avec du ilm, nash'atuhu n'est pas ilmiya, al-an isma' al-ajaib. Qala Cheikh Ubayd hadahullah, nash'atu al-hajuri souqiyya. Il va démontrer qu'il n'a pas été éduqué avec l'ilm. Souqiyya. لماذا؟ سكوا الدليل؟ قال لأنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية أعمالا. صلى الله عليه وسلم. Est-ce que tous ceux qui travaillent, ça veut dire qu'ils n'ont pas de علم؟ صحابة يتخفايه كما سيأتي. بل أنبياء ورسل يتخفايه. Est-ce que le travail ça contredit le علم؟ لا, le travail ça contredit le علم. Si tu ne fais pas des efforts dans le علم, ce travail, il prend tout ton temps. لكن الكلام الآن il est grave. لأنه كان يعمل. C'est ça le دليل. Si ça serait vrai. Si ça serait vrai, on aurait pu réfuter. On aurait pu dire, là, il a travaillé et après. Lakin, ma balouk, c'est pas vrai. Qala fi riwayatun taqoul. Une riwaya taqoul. Man, qui c'est qui a apporté cette riwaya? Inda talabat l'ilm, la riwaya doit être appuyée par un thiqa. Qui c'est qui a apporté cette riwaya? Fi riwayatun taqoul. Personne ne sait qui. Illa Cheikh Ubayd. Innahu kana ya'mal fi wirshat siyara. Le wirsha ma'rouf. Les mécaniciens que tu trouves en Sana'a. قال ورواية تقول دوزيام رواية إنه يعمل في محلات رخيصة السعر رخيصة السعر يسمونها كل شيء بريالين. أنتم vous connaissez tout à 10 francs ou tout à 1 euro. هذا الشيخ يحيى travaille. Est-ce qu'il était caissier? Est-ce qu'il était... Il rangeait les rayons? Est-ce qu'il était dans... لكن يتخبئ هناك كل شيء برجاله الرد على هذا الكلام اولا on fait passer quelle riwaya الان moi je veux le haq j'ai envie de savoir chez Yahya qu'est-ce qu'il faisait est-ce qu'il travaillait dans la mécanique ou il travaillait dans les magasins tout à deux rien je veux le haq montre-moi لان t'as rapporté ces deux riwaya imma il était mécanicien imma il travaillait dans un magasin tout à deux rien imma les deux tu cites une riwaya tu dis il a travaillé un peu mécanicien et un peu dans ce magasin. أما الآن رواية تقول رواية تقول أين الترجيح يا بالترجيح سامونسك الكلام إلى باطل ثانيا الشيخ يحيى كذب هذه الروايات الشيخ يحيى كذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر الشيخ يحيى démontrer c'est du كذب تدعى démontrer الآن une بينة que c'est vrai لكن comme vous savez cette مسألة il l'a cité on l'a plus jamais entendu parler il y en a ils peuvent pas s'appuyer sur هذا قال نعم on a dit الشيخ يحيى كذب هذه الرواية فالشيخ عبيد doit démontrer كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي والله سبحانه وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين si tu n'as pas le burhan c'est que tu es un كذاب qui est le choix cette personne حد يظن أن الشيخ عبيد le معصوم أو الشيخ يحيى le معصوم il ne peut pas glisser mensonge ou pire أبدا أبدا نحن هنا أهل السنة on n'est pas des صوفية قال كذلك أو نحن cite les redoutes qu'on a écrit كذلك لو ثبت ذلك si c'est vraiment vrai يرحمك الله نحن نغض الطرف على est-ce que c'est vrai c'est vrai on dit طيب c'est صحيح ils ont une riwaya le Cheikh Hayla travaillé أين c'est où وجه الانتقاد est-ce qu'il a travaillé dans du haram est-ce qu'il y avait de la mixité est-ce qu'il était en pantalon est-ce qu'il est où le haram أين وجه الانتقاد قال نكمل هذا ولو ثبت ذلك c'est pas du نقص الشيخ أبدا On cite quelques dalils pour conclure. أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح إلى أنس رضي الله عنه قال شيخ يحيى نحن on a لخص كلام إلى يكون رسالة pour répondre à ça. نسيت نعم الإيضاح لما عند عبيد الجابري من الجاهلية والكذب الصراح. Il a répondu à هذا. Il a cité des adillab. Il a démontré au volume que c'est pas vrai. Il a jamais travaillé en Arabie Saoudite. Il était à Dommage. Quand il était en Arabie Saoudite, il est revenu à Dommage et il a jamais travaillé et il est rentré dans le Markez jusqu'à Alhamdulillah, on est sorti de Dommage. Il a l'an, il a marqué ce film. Jamais le fait. Il a cité des adillas pour montrer que c'est pas atil. Qal. Aou. Radan. Non, radan. Amma l'an, si. Radan, on reprendra à partir des adillas. Subhanak, l'homme, hamdik, shadullah, il a l'an, t'staffer. Ma'a tahiyati dommagefr.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين